de chacun. Je ne crains pas le jugement des hommes. Le seul vrai jugement, c'est le tien. C'est à toi que je dois tout. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Zambé. Seigneur est mon berger. Là où s'arrête l'intelligence de la science, c'est là où commence la volonté de Dieu. Yahweh, tu es le vrai chemin. Yahweh, Zambé. Yahweh, Yahweh, oh, oh, Zambé. Seigneur est mon berger. Seigneur, emplis mon cœur d'ardeur pour toi, afin que je m'éveille du profond sommeil où je languis. Viens me guérir afin que mon âme goûte à ta douceur qui est contenue dans ce sacrement comme dans sa source. C'est le salut de l'âme et du corps, le remède à toute faiblesse spirituelle. Il guérit mes défauts, reprime mes passions, apaise ou diminue mes tentations, augmente la grâce, accroît la vertu, affermit la foi, fortifie l'espérance, enflamme et intensifie la charité. Au nom du Christ, amen. Thank you.

nom de Dieu, on vit pour Dieu, on repart à Dieu. Adieu, Fulgence Cassi, enfant de la Côte d'Ivoire, enfant de la RTI, enfant Baoulé, ami de tout le monde, adieu. Ici pas nous sommes des passagers, adieu ami. Oh oh, Fulgence Cassi, oh oh, Mamadou Traoré. J'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil provenant de Sam Tibi, m'annonçant la mort de Mamadou Traoré. Mamadou Traoré, mon ingaï, ah ah ah, nalela yonenge nini, Mamadou Traoré, mon tiki nga pota mon ene na molema, ah ah ah. Toujours en nous.